Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 13 février, nous souhaitons une bonne fête aux Béatrices. Ça vient du latin signifiant heureuse, qui rend heureuse. Sous des dehors altiers et parfois glacés, Béatrice cache une sensibilité et une émotivité au-dessus de la moyenne. Son intuition est considérablement développée et elle s'en sert avec maestra dans ses rapports humains. En effet, plutôt passive, parfois paresseuse et souvent rêveuse, elle sait observer et à l'écoute des autres. Effacée, timide, elle saura aisément émouvoir autrui, mais elle saura aussi se montrer redoutable. Elle est discrète et pudique au point d'apparaître souvent froide et distante. Elle a le goût de l'intimité et cultive le secret. Voilà pourquoi Béatrice est souvent une énigme pour son entourage. Elle tente aussi à se protéger car elle se sent sensible et vulnérable. En cas de problème affectif, elle se retranche du monde et peut même vivre des périodes de dépression. Pourtant, elle sait aussi faire preuve de courage et de détermination lorsqu'elle est sensible par une cause qui la touche sociale le plus souvent. En fait, elle demeure complexe car elle est partagée entre deux vibrations opposées. Celle du neuf qui la pousse à une certaine spiritualité, un intérêt pour les autres et l'incite à faire partie de groupements ou d'associations ayant les mêmes idéaux, et celle du sept qui l'amène vers un certain scepticisme, vers un égocentrisme plus ou moins développé et la pousse à fuir le monde et à vivre en ermite, même dans son milieu familial. Dicton du jour de Sainte Béatrice. La nuée assure 6 semaines mouillées. À la Sainte Béatrice, méradis d'hiver, réfort et chou dans ta pélisse. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. En hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 13 février, en 1895, les Frères Lumière déposaient le brevet du cinématographe. Et en 1973, Michel Serrault et Jean Poiret joué pour la première fois la Cage aux Folles. C'était au Théâtre du Palais Royal à Paris. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Robbie Williams et son titre Candy. Different men, and I say liberate your sons and daughters. The push is high. Kende de Robbie Williams sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 13 février 1923, naissance de Charles Elwood Yeager, aviateur américain qui fut le premier pilote à franchir le mur du son. 1933, naissance de Kim Novak, actrice américaine vue dans L'homme au bras de fer dans le rôle de Molly, La blonde ou la rousse dans le rôle de Linda English, Sueur froide d'Alfred Hitchcock dans les rôles de Madeleine Elster et Judy Barton, et vue également dans quelques épisodes de la série télé Falcon Crest dans le rôle de Kit Marlowe. 1944, naissance de Stockard Channing, actrice américaine vue dans la série À la Maison Blanche dans le rôle d'Abigail Bartlett et dans The Good Wife dans le rôle de Veronica Loy. 1950, naissance de Peter Gabriel, chanteur et musicien britannique qui fut membre du groupe Genesis de 1967 à 1975 avant de mener une carrière en solo dont le titre Salisbury Isle est plutôt connu, hein. On écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait de Peter Gabriel. On continue les anniversaires, mais on va rester en 1950, puisque c'était également l'année de naissance de Scott Pollin, acteur américain vu dans Jack dans le rôle du capitaine Johnson, dans Castle dans le rôle de Jim Beckett, 24 heures chrono, FBI porté disparu ou encore Lost. 1958, naissance de Pernilla August, actrice suédoise vue dans Les meilleures intentions dans le rôle d'Anna Åkerblom Bergman, récompensée par le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes et vue dans Star Wars épisode 1 et 2 dans le rôle de Shmi Skywalker, la mère d'Anakin Skywalker. 1966, naissance de Neil McDonough, acteur américain vu dans Minority Report de Steven Spielberg dans le rôle de Fletcher, Cosgard dans le rôle de Jack Skinner, Mémoire de nos pères de Clint Eastwood dans le rôle du capitaine Severance, Captain America First Avenger dans le rôle de Timothy Dugan alias Doom Doom, vu dans plusieurs épisodes de la série Le flic de Shanghai dans le rôle de Kyle Strode, vu dans NIH Alert Médical dans le rôle de Stephen Connor, Desperate Housewives dans le rôle de Dave Williams, Sweets, avocat sur mesure dans quelques épisodes où il incarnait le rôle de Sean Cale, et vu également dans les séries Arrow, Flash et Legend of Tomorrow dans le rôle de Damien Dark. 1974, naissance de Robbie Williams, chanteur britannique. 1979, naissance de Mena Suvari, actrice américaine connue pour son rôle d'Heather dans American Pie 1, 2 et 4, vue également dans American Beauty ou encore Domino. 1986, naissance de Jamie Murray, joueur de tennis britannique, le frère, d'Andy Murray, professionnel depuis 2004. Alors autant Andy Murray c'est un joueur de simple, autant son frère Jamie Murray est un joueur de double. D'ailleurs, il a été numéro 1 mondial en double, c'était en 2016. Il a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi que l'US Open, une fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros et il a remporté une Coupe Davis en 2015. 1988, naissance de Ronan Kemner, hockeyeur sur glace français, évoluant au poste de gardien de but, ayant joué à Rouen, Gap, Grenoble, Briançon. Ensuite, il est parti à l'étranger en jouant au club de Rukirut Mikkeli à Lasbloven HC, au club de Ishockey de Dorbernen EC. Entre 2017 et 2018, il a joué pour les Boxers de Bordeaux et depuis cette saison, il joue pour le club d'Alborg Pirates. 1990, naissance de Mamadou Sakho, footballeur français qui de 2007 à 2013 a joué au Paris Saint-Germain, de 2013 à 2017 à Liverpool, ensuite en janvier 2017, il a été prêté à Crystal Palace avant d'y signer et il y joue toujours. 1991, naissance d'Eliakim Mangala, footballeur français qui de 2008 à 2011 a joué au Standard de Liège, de 2011 à 2014 à Porto, depuis 2014 il est en contrat avec Manchester City, même si entre 2016 et 2017 il a été prêté à Valence et que cette saison il joue à Everton. C'est également l'année de naissance de Vianney, chanteur français. En 2005, décédé Maurice Trintignant, pilote automobile français, deux fois vainqueur du Grand Prix de Monaco et des 24 Heures du Mans en 1954. Et en 2008, on apprenait le décès d'Henri Salvador, chanteur français qu'on écoutera en fin d'émission. Mais là, on va s'écouter Vianney dans quelques instants. Mais avant cela, on fait un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. On commence avec Vice, un biopic de Adam McKay avec Christian Bale, Amy Adams et Steve Carell. Autre film, c'est un film d'animation. Cette fois, c'est Ralph 2.0. Autre film, Alita Battle Angel, un film de science-fiction de Robert Rodriguez avec Rosa Salazar, Christoph Waltz et Jennifer Connelly. Autre film, All Inclusive, comédie de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc, François-Xavier de Maison ou encore Josiane Balasco. Autre film, Happy Birthday to You, comédie épouvante horreur de Christopher London avec Jessica Roth, Israël Broussard et Fivu. Et enfin, dernier film, Deux fils, drame comédie de Félix Moati avec Vincent Lacoste, Benoît Poulvorde ou encore Mathieu Capella. Voilà pour les sorties cinéma. On fait tout de suite une pause musicale avec Vianney et son titre, Pala. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséché. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Des nuits d'ivoire sur ça, je t'en dois. Si les tiennes sont noires, si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Soyons la ruche, la ruche d'un futur en fait. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? comme je le peux. Vianney avec le titre Pala sur le 107 FM. Vianney d'ailleurs qui a annoncé il y a quelques temps qu'il allait faire une pause dans sa carrière musicale. Allez, nous sommes toujours sur le 107. Il est presque 8h47 et ça rime et on fait un point météo. La météo. Et après dissipation de la brume, comme on peut déjà le voir si je regarde par la fenêtre de nos bureaux de Saint-Étienne-lès-Remiremont, nous allons avoir un très beau ciel bleu en ce mercredi. Très belle journée ensoleillée qui s'annonce. Si vous êtes en vacances avec vos enfants, c'est une journée parfaite pour aller au ski. Et n'oubliez pas la crème solaire si vous allez au ski. Des températures aujourd'hui comprises entre moins 2 et moins 1 degré ce matin, entre 7 et 9 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, journée ensoleillée, également des températures comprises entre moins 1 et 0 degré le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, de nouveau une journée ensoleillée, des températures qui devraient être comprises entre moins 1 et 0 degré le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour vendredi après-midi. Eh bien, on va y prendre goût à ce soleil qui va normalement durer encore quelques temps dans les Vosges. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence bien évidemment avec le football et on va parler de la Ligue des Champions et nos champions du monde, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, étaient en forme hier soir avec l'équipe du Paris Saint-Germain puisque ce sont les deux buteurs du PSG qui s'imposent 2-0 sur la pelouse de Manchester United. Et à noter que Kylian Mbappé égale ainsi Zinedine Zidane en nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. 14. Mais bon, faudra faire attention au match retour tout de même. Le Paris Saint-Germain a eu déjà des déconvenues en Ligue des Champions. Allez, l'AS Rome s'est imposé 2-1 face à Porto. Ce soir, Tottenham reçoit le Borussia Dortmund et le Real Madrid de Karim Benzema se déplace à l'Ajax d'Amsterdam. Il y a des matchs en retard ce soir en Ligue 1. Saint-Etienne face à Strasbourg et Caen face à Nantes. Et du côté de chez nous, match en retard également en National 2 avec Épinal qui reçoit cet après-midi l'équipe 2 de Lens. Un mot de ski avec les championnats du monde et malheureusement l'équipe de France a été éliminée hier en team event dès les quarts de finale. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Rotterdam et Gaël Monfils s'est imposé en 2-7 face à Goffin, 7-6, 7-5. Herbert lui s'est incliné en 3-7 face à Nishikori, 3-6, 6-1, 6-4. Gilles Simon s'est incliné en 2-7 face à Berdych, 7-6, 6-4. Aujourd'hui Chardy affrontera Medvedev, Tsonga sera opposé à Fabiano et Monfils à Sepi. À New York, il n'y a déjà plus de Français en compétition puisque le seul Français en lice dans ce tournoi, Adrian Manarino, s'est incliné hier en 3-7 face à Opelka, 2-6, 7-6 et 6-4. Et à noter qu'au tournoi féminin de Doha, Caroline Garcia a déclaré forfait, tout comme Caroline Wozniacki. Et suite au forfait de cette dernière, eh bien Serena Williams va de nouveau rentrer dans le top 10 mondial, ce qui n'était pas arrivé depuis 2017. On fait maintenant un point avec le basket. Et les résultats de NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, plutôt en forme avec 22 points inscrits, s'est imposée face à l'équipe de Nouvelle-Orléans, 88 à 118. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 13 points et 16 rebonds s'est malheureusement incliné face aux Golden State Warriors, 115 à 108. Et côté Golden State, 28 points pour Kevin Durant et 24 points pour Stephen Curry. Autant dire que malheureusement, les points de notre français n'ont largement pas suffi. Et on termine en faisant un point hockey sur glace avec la Ligue Magnus. On n'en a encore pas parlé depuis le début de cette saison. La saison d'ailleurs qui touche bientôt à sa fin. On voit les playoffs arriver à grands pas. Et d'ailleurs, Rouen s'est imposé hier soir et s'assure ainsi la première place qualifiée pour les playoffs. Donc Rouen, Grenoble, Amiens, Angers, Gap, Bordeaux et Nice. Ces deux derniers ont obtenu leur ticket hier soir. Il reste donc une place pour les playoffs et ça se disputera entre Chamonix, Mulhouse, Anglet et Lyon. Dernier, c'est Strasbourg avec 29 points. Donc qui sont Strasbourg quasiment assurés hein, de terminer dernier. Pour pas terminer dernier, il faudrait que Strasbourg gagne tous ses matchs qui restent et que Lyon les perde tous. Autant dire que ça me paraît un petit peu compliqué hein, pour le club alsacien qui devrait encore une fois terminer à la dernière place hein, de ce classement de Ligue Magnus. Et voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Henri Salvador et Le Lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, ce soir, Henri Salvador sur RGM, un peu plus de 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, regard d'ailleurs. 10h, les ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. À 16h, l'équipe de 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.